Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'écrasement d'avion de Saute-au-Cochon, le crime presque parfait. Nous, l'avion était tout déboîté, là. Puis là, il est arrivé des policiers, puis ils ont dit « Restez pas ici, vous n'avez pas le droit d'être ici. » Roland Fortin, qui se souvient encore très bien des années plus tard de ce qu'il a vu sur le site de l'écrasement d'un appareil DC-3, la compagnie Canadien-Pacifique, à Saute-au-Cochon, dans la région de Charlevoix. Il faut dire que la scène est saisissante. Le 9 septembre 1949, 23 personnes vont perdre la vie dans cet écrasement d'avion, qu'on croit d'abord être un simple accident, avant de découvrir qu'il s'agit en fait d'un geste criminel planifié et dont la vraie nature aurait très bien pu ne jamais être découverte. L'histoire de l'écrasement de Saute-au-Cochon, c'est en fait l'histoire d'un crime presque parfait. Après la Deuxième Guerre mondiale, plus précisément en 1949, ça fait maintenant 11 ans que le maire Lucien Borne est au pouvoir. M. Duplessis est arrivé au pouvoir depuis 5 ans. Donc, Québec ne connaît pas de grands drames, ne connaît pas de grands événements. Il y a bien eu les émeutes de 1918 qui ont brassé un peu socialement la capitale au début du siècle, mais ça fait de cela bien longtemps. Pourtant, un événement va se dérouler au mois de septembre 1949 qui va profondément marquer l'histoire de la ville de Québec, qui va marquer sa population, parce qu'on retrouve là une intrigue policière, judiciaire, autour d'un événement très surprenant. Effectivement, au début septembre, le 9 septembre 1949, un accident d'avion important impliquant un DC-3 du Canadien Pacifique qui est parti de Montréal le 9 septembre au matin, arrête à Québec prendre quelques passagers et va s'écraser quelques minutes plus tard à Saute-au-Cochon, dans Charlevoix, près de la petite rivière Saint-François. Cet événement, évidemment, fait la manchette de l'ensemble des journaux du Canada français et de l'Amérique du Nord, parce que dans les 23 passagers, il y a d'importants patrons d'entreprises de la Côte-Nord. Rapidement, une enquête est mise sur pied. Des policiers provinciaux, fédéraux tentent de percer le mystère. Et rapidement, une rumeur commence à circuler un peu partout dans la ville qu'il y aurait une intention criminelle derrière cet accident, que cet accident-là ne serait pas bénin. L'historien Régent Lemoine à l'émission « Attendez que je vous raconte » diffusée à Télé-Québec en 2000 pour nous faire revivre la tragédie de Saute-au-Cochon. Mon invité Frédéric Bastien, qui est professeur d'histoire au Collège d'Anson à Montréal. Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour. La nouvelle de cet écrasement de Saute-au-Cochon, on l'entendait bien dans l'extrait de Régent Lemoine, fait le tour du Québec, évidemment, du Canada, du monde entier en fait. Cette histoire circule très très vite. C'est, à l'époque, Frédéric Bastien, c'est une grosse affaire cet écrasement. Oui, oui, c'est absolument immense et ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être une particularité, peut-être de la première moitié du 20e siècle, ça a été un siècle destructeur avec des guerres terribles, etc. Mais la criminalité à l'intérieur des pays occidentaux, c'était, on n'avait pas des crimes vraiment sordides, c'était plutôt rare, des crimes vraiment un peu démoniaques, pourrait-on dire. On était dans une société relativement tranquille où les gens étaient... il n'y avait pas beaucoup de crimes, c'était des choses extrêmement rares. Et là, tout d'un coup, vous avez ce qui est au départ, on ne sait pas évidemment au départ si c'est un... on ne sait pas que c'est un crime, mais on va rapidement aller vers ça. Donc, la nouvelle va évidemment saisir l'opinion. Et parce donc, que c'est horrible, 23 personnes innocentes meurent, des enfants, ça, vraiment, ça saisit tout de suite. Oui, absolument, et c'est que quelqu'un puisse être prêt pour arriver à ses fins, à tuer des gens comme ça pour... C'est quelque chose qui était, en quelque sorte, inimaginable. Oui. Oui, il y avait de la criminalité. C'était quelque chose, bien sûr, de présent, mais jamais dans une perspective ou d'aussi, quelque chose d'aussi cruel, d'aussi morbide, sordide, devrais-je dire, ou enfin, bref, tous ces qualificatifs à la fois. Puis en fait, c'est pas, évidemment, il y a aucun motif politique derrière ça, mais ça reste, on a tendance à l'oublier, mais ça fait partie de l'impact qu'aura cette nouvelle-là. C'est un attentat. C'est le premier attentat contre un avion civil en Amérique. Oui, absolument. Premier attentat contre un avion et au Canada, le seul attentat contre un avion qui a eu lieu chez nous. Et ouais. donc évidemment, raison de plus. Donc, étant donné que c'est un avion, c'est pas seulement le nombre de victimes, c'est pas seulement tout le complot derrière ça, mais c'est le fait que ce soit un avion ajoute encore davantage. Ouais. Quelque chose de spectaculaire. Oui, exactement. Encore plus spectaculaire. Qu'est-ce qui se passe dans les fêtes, ce fameux 9 septembre 1949? Ben, ce qui se passe, c'est que là, il y a un avion qui, comme on l'entendait dans l'extrait, qui arrive de Montréal, un DC-3 qui se pose à Québec, prend quelques passagers. Et peu de temps après le décollage, l'avion va exploser en vol au-dessus du lieu-dit Saut-Cochon dans Charlevoix. C'est en pleine forêt, c'est un lieu qui n'est pas très accessible. Ça va prendre plusieurs heures avant que les premières personnes arrivent sur les lieux. Et ce qui va se passer, c'est que ça va être un photographe du Toronto Star qui va réussir à arriver là avec quelqu'un qui vient lui prêter main forte et qui va prendre des photos. Le Toronto Star avait réussi à apprendre la nouvelle très rapidement et à dépêcher sur place quelqu'un avant même que les premiers policiers arrivent. Et donc, il prend des photos, réussit à cacher ces photos des policiers qui avaient saisi sa caméra, mais qui avait, lui, avait caché la pellicule. Et donc, là, la nouvelle avec les photos du Toronto Star, c'est ça, c'est là qu'elle devient vraiment mondiale, ni plus ni moins. Avec une scène horrifiante. Oui, c'est ça. Ils vont rapporter avoir vu notamment des cadavres de bébés déchiquetés, etc. Vraiment quelque chose de... Une carlingue d'avion. Oui. On vit un côté spectaculaire, mais dont il reste plus grand-chose. C'est aussi toujours très, très saisissant. Oui, c'est ça. Je soupçonne même que le Toronto Star n'ait pas publié les photos les plus, les plus dramatiques ou les plus... plus difficile à supporter. Ouais. Donc déjà, scène de crime assez spectaculaire. On ne sait pas encore à ce moment-là que y a une intention criminelle derrière ça. On va le savoir assez vite, mais ça nous amène tout de suite à parler de l'enquête, qui elle-même n'est pas banale. Parlez-moi un petit peu de la façon dont va se dérouler cette enquête. Oui, alors, dès le départ, les gens du Canadien Pacifique, et en particulier un des vice-présidents, un type qui s'appelle Crump, et tout de suite, évidemment, saisi par les événements, bien évidemment, mais il trouve ça extrêmement bizarre que l'avion ait pu avoir un accident. Il avait été vérifié selon les règles tout juste avant le décollage. Et l'avion, le DC-3, avait une excellente réputation, fiabilité, etc. Alors, il ne comprend pas qu'avec toutes les vérifications, un appareil comme celui-là, bien, bien réputé, etc., puisse vraiment avoir ce genre d'écrasement. Et il va demander à un des employés de la compagnie qui s'occupe de la sécurité, et il va mandater aussi un avocat, et il va leur dire, voilà, allez sur place, allez sur place voir de quoi il en retourne, je trouve ça bizarre, et de toute façon, il faut y aller de toute façon, mais essayez de voir s'il n'y a pas anguille sous roche. Et donc, c'est un type qui s'appelle Jules Perrault, qui travaille pour le Canadien Pacifique, qui arrive sur les lieux avec un des avocats de la compagnie. Et tout de suite, il sent une odeur de soufre. Il se dit, c'est bizarre, cette odeur-là, qu'est-ce que c'est? Et il dit, il me semble que c'est de l'odeur de la dynamite. Et immédiatement, ça éveille ses soupçons. Et donc, il va rapporter aux autorités de la compagnie, c'est probablement pas un accident. Il me semble que c'était trop... Il y a trop de choses qui clochent, etc., etc. Et là, les gens de la compagnie vont rencontrer Duplessis. Ils veulent qu'il y ait une enquête de la police provinciale, etc. Et au départ, Duplessis est convaincu qu'il s'agit d'un accident, que la compagnie ne veut pas prendre ses responsabilités, etc., etc. Et donc, de façon un peu curieuse, dans les premiers jours qui suivent l'attentat, les autorités publiques fédérales ou provinciales sont pas très actives dans cette catastrophe pourtant spectaculaire. Et c'est vraiment le Canadien Pacifique qui décide d'enquêter. Évidemment, eux, ils ont beaucoup à perdre, il faut le dire aussi, parce que s'ils sont responsables d'un accident, ils vont être poursuivis. Il y a des gens importants qui sont morts. Oui, c'est ça. Absolument. Il y a plusieurs présidents de compagnie qui sont... un président de compagnie, des hauts gradés, des hauts cadres de différentes compagnies qui sont décédés dans l'écrasement. Et donc, le Canadien Pacifique engage une quinzaine d'enquêteurs privés, là, ce qu'on appelle des détectives privés, qui se mettent au travail à regarder ces différents éléments qui pourraient constituer des pistes et éventuellement des preuves comme quoi il y aurait eu malversation et que tout ça n'est pas un accident. Ce qui fait qu'à un moment donné, après avoir refusé donc de mettre la police provinciale, comme on disait à l'époque là-dessus, Duplessis donc voulait rien savoir, la Sûreté du Québec va finir par dire « Oui, on accepte, on va prendre l'enquête en charge. » Qu'est-ce qui convainc la SQ d'entrer dans la mêlée? Bien, les enquêteurs privés ont découvert qu'à la dernière minute, ou lors de l'escale à Québec, il y a une dame qui est arrivée en taxi avec une boîte en bois, une espèce de boîte, et qu'elle contenait la boîte, disait-elle, une statue qu'il fallait livrer, donc, etc., avec l'avion, qui allait vers Baie-Comeau, si ma mémoire est bonne. Oui. Et donc, la boîte est mise dans l'avion, dans la soute à bagages, et il trouve ça un peu bizarre, là, c'est l'arrivée de cette dame en taxi. Il trouve que ça fait un peu louche, tout ça. Et donc... D'abord, cette dame, elle est très facilement... Le chauffeur s'en souvient parce que c'est une géante, c'est une colosse. Elle est très facilement reconnaissable. Oui, elle est très grosse. Et voilà, elle est bien en chair, elle est grande, etc. Donc, puis le fait qu'elle apporte à la dernière minute un colis en disant « Ah, il faudrait que vous apportiez ça dans l'avion », ça éveille les soupçons. Exactement, voilà. Donc, c'est un peu bizarre d'arriver comme ça à la dernière minute avec un colis. Et ils se disent « Voilà, il faudrait retrouver cette femme ». Et c'est cette partie-là de l'enquête des enquêteurs privés qui convainc la SQ qu'effectivement, il y aurait peut-être quelque chose de criminel derrière ça. Et grâce au chauffeur de taxi, ils vont réussir à identifier une dame qui s'appelle Marguerite Ruet-Pitre. Et ils vont aller l'interroger sur ce qu'elle a fait, etc. Et qu'est-ce qui va ressortir de ce premier interrogatoire? Quel rôle elle joue dans cet écrasement? Bien, cette dame, elle a une mauvaise réputation. On l'appelle le corbeau. Elle est toujours vêtue de noir. Elle a eu deux maris. Elle traîne une réputation sulfureuse. On dit qu'elle pratique des avortements, évidemment, à l'époque, illégaux. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Impossible à dire, mais elle a quand même cette mauvaise réputation. Et donc, ce qui incite encore plus, je crois, les enquêteurs à poursuivre leur travail auprès d'elle. Et elle a dit, ben moi, on m'a payé, une connaissance qui m'a payé pour aller livrer le fameux colis, l'espèce de boîte, à un type qui s'appelle Albert Gay. Moi, je ne savais absolument pas qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte. Mais il m'a dit, voilà, je vais t'annuler, je lui dois 600 $, une somme quand même importante à l'époque. Et donc, il m'a dit, en échange de ça, je vais porter la boîte. Et donc là, ça mène, donc l'interrogatoire de Marguerite Ruet-Pitre mène à Albert Gay, qui est un bijoutier de la région de Québec, un type qui est marié, mais qui a une maîtresse. Et donc là, l'enquête se concentre sur Albert Gay. Oui. Et parce qu'évidemment, on va le savoir plus tard, c'est lui le cerveau de toute cette affaire-là. Pourquoi? Pourquoi cet attentat? Pourquoi faire sauter cet avion? Voilà. Alors, ce qui intéresse les enquêteurs, c'est qu'évidemment, ils ont regardé la liste des passagers et la femme d'Albert Gay fait partie des victimes. Elle était à bord de l'appareil. Lui, il avait une bijouterie, donc il avait des clients un peu partout dans la province et parfois, il devait se déplacer pour aller porter des bijoux. Et là, il avait confié à sa femme la tâche d'aller porter des bijoux donc à Baie-Comeau. Et il a pris une assurance vie sur sa femme avec une prime très généreuse en cas de décès. Et 10 000 $, hein, je pense. Oui, c'est ça, 10 000 $, ça doit être l'équivalent aujourd'hui de plusieurs centaines de milliers de dollars, sinon davantage. Et donc, les enquêteurs, évidemment, trouvent qu'il y a un mobile possible et ils apprennent en faisant leur enquête que Albert Gay trompait sa femme depuis un certain temps déjà avec une jeune femme du nom de Marie-Ange Robitaille. Et là, ils se disent, voilà, donc l'amante, peut-être il voulait se débarrasser de sa femme. Ses affaires à Albert Gay n'allaient pas très bien non plus, sa bijouterie, donc besoin d'argent. Entretenir une maîtresse, à l'époque, ça coûte cher. Alors, il lui payait un appartement, etc. Et donc là, vraiment, il y a de plus en plus d'éléments de l'enquête qui pointent vers Albert Gay, qui a travaillé dans une armurerie durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il est familier avec les explosifs. Mais quand même, de décider pour éliminer sa femme, pour pouvoir vivre sa vie plus librement avec sa maîtresse, de s'attaquer, de s'en prendre à un avion, de programmer un écrasement d'avion, c'est pas rien. Il y aura des victimes, il le sait. Qu'est-ce qu'il met sur cette idée un peu folle de dire, tiens, je vais faire exploser cet avion? C'est très intéressant ce que vous dites. D'abord, il faut dire qu'il avait songé à empoisonner sa femme. Pour toutes sortes de raisons, il abandonne cette idée. En fait, c'est que sa femme a découvert le poteau rose avec sa maîtresse. Là, sa maîtresse ne veut plus le voir. Et là, il est très, très frustré. Il veut absolument reconquérir sa maîtresse. Il veut se débarrasser de sa femme. C'est très difficile de divorcer à l'époque. Et là, il se dit, voilà, je vais tuer ma femme. Donc, il oublie l'idée d'empoisonnement et... Pas très longtemps auparavant, il y a un événement semblable aux Philippines où il y a une tentative de faire sauter un avion. Ici, je me souviens bien, la tentative échoue, mais de faire sauter un avion en plein vol. Et l'histoire va se ramasser dans les journaux ici. Et il y a des enquêteurs lors du procès qui vont témoigner en disant « Voilà probablement la source d'inspiration d'alberguer. Et d'où l'idée, donc, de refaire le coup ici au Canada. Ouais. Il y a un autre complice. Il y a évidemment celle qui apporte le colis, Marguerite Ruet-Pitre, qui apporte à la dernière minute le colis en disant il faut mettre ça dans l'avion. Mais il y a celui qui fabrique la bombe. C'est le frère, en fait, de cette Marguerite Ruet-Pitre, Généreux Pitre. Qui est-il? Et quel rôle il a dans cette affaire-là? Ben, en fait, lui, il va... Généreux Pitre, il va fabriquer la bombe. Et si je me souviens bien, il y a le détonateur avec une minuterie. Alors, on n'en sait pas énormément, mais lui aussi, c'est un peu comme sa sœur, un type qui traîne une réputation un peu sulfureuse. Et tous les trois ensemble vont concocter là, le plan pour faire exploser la bombe. Et évidemment, la question de la minuterie est très importante. Il faut que la bombe explose au bon moment. Donc, dans leur plan, qui est quand même assez bien fait, il faut le reconnaître, ils ont calculé que l'avion serait au-dessus du fleuve Saint-Laurent à tel moment. Ils ont planifié pour que la minuterie explose, fasse exploser la bombe à ce moment-là. Ce qui ferait en sorte que, évidemment, l'avion tombant dans le Saint-Laurent, ce serait beaucoup plus difficile de recueillir de la preuve. D'autant plus qu'évidemment, là, aujourd'hui, on pourrait peut-être plonger et trouver, mais à l'époque, avec les technologies qu'ils avaient, ils n'auraient pas pu, de la même façon, récupérer des restes d'avions dans le fond du fleuve. Ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais l'avion part avec quelques minutes de retard, ce qui fait qu'il va s'écraser dans le Charlevoix au lieu de s'écraser dans le fleuve Saint-Laurent. Et ça fait qu'ils vont se faire prendre. C'est comme ça qu'ils se font prendre. Oui, ça répète un crime parfait, cette affaire. Oui, absolument, absolument. Et d'ailleurs, Albert Gay, lui, qui essaie toujours de reconquérir sa maîtresse, se rend, au moment où il pense que l'avion va exploser, se rend à la terrasse du frein pour assister en direct à l'explosion. Incroyable. Alors, vraiment un plan vraiment diabolique. Un homme qui avait vraiment aucune conscience, vraiment aucune... aucune pitié, aucune considération pour les autres, pour autrui. Ils vont, ces trois larcins vont être jugés. Tous les trois vont être condamnés à la peine de mort. Marguerite Ruet-Pitre aura quelques remords, mais je pense que c'est la seule, au fond, au cours des procès, qui va exprimer un peu de remords. Bien, ce qui va se passer, c'est qu'elle va collaborer avec les enquêteurs pour dénoncer son frère et Albert Gay. Donc, les deux premiers à être condamnés. Là, il y a d'abord Albert Gay qui est condamné, ensuite à mort, ensuite Généreux Pitre. Et Albert Gay, lui, va dénoncer les deux autres. Une fois qu'il est condamné, il dit « j'étais pas tout seul, ils savaient ce que je faisais, ils sont aussi responsables que moi ». Et là, donc, il y a deux autres procès. D'abord, celui du frère qui se met en branle et ensuite, éventuellement, celui de Marguerite Ruet-Pitre elle-même. Et elle, oui, elle a des remords de conscience. Elle va tenter de se suicider à un certain moment donné. Mais elle va toujours nier avoir su qu'il y avait effectivement une bombe à l'intérieur de la boîte, que, bon, elle va diminuer son rôle. Mais au moment de monter sur l'échafaud, ça va être la dernière femme exécutée au Canada, au moment de monter sur l'échafaud, elle va dire « j'en veux à personne, merci monsieur le juge », etc., etc. Tandis que Albert Gay, lui, au moment d'être exécuté, lui, Marguerite a été exécutée en janvier 1953 et deux ans auparavant, en 1951, c'était Albert Gay, donc le premier à monter sur l'échafaud. Et lui, il dit vraiment cette phrase « au moins je meurs célèbre ». Vraiment, quelqu'un qui avait un sens morbide du théâtre, si on peut dire. Ouais. Quelques minutes avant l'exécution, au moins je meurs célèbre. Faut le faire. Cet écrasement d'avion qui a tant marqué les esprits, cet écrasement de saut au cochon, va inspirer l'auteur Roger Lemelin pour l'écriture de son roman Le crime de Vitplouf, qui sera porté ensuite à l'écran par Denis Arcand en 1984. Faites attention, c'est fragile. Une petite horloge grand-père? Non, c'est une statue. Un cadeau pour notre ancien curé. On va y faire attention. Ça, c'est ton billet. Puis toi? Écoute-moi, Rita. Ce voyage-là avec toi m'a été imposé par la famille. J'ai pas du tout envie de le faire. Tu veux me laisser partir toute seule? Je suis pas. Oui, tu vas y aller. Tu vas donner les bijoux au représentant Bécomo. Tu vas remettre la statue à Mgr Folbèche, puis je reviendrai te chercher ici vendredi. Le crime de Vitplouf, le roman, puis le film, Frédéric Bastien, vraiment, c'est directement inspiré de l'affaire de l'écrasement de saut au cochon. Oui, absolument. Et sauf que Roger Lemelin a quand même introduit quelques petites différences. Donc, dans le crime Ovid Plouffe est le bijoutier, mais ce n'est pas lui qui est le cerveau de l'affaire. C'est plutôt son adjoint qui veut se débarrasser de Rita Toulouse. De Rita Toulouse, voilà. Dans le film. Oui, voilà, dans le film. Donc, dans le film, Ovid Plouffe devient accusé alors qu'il est innocent, doit prouver qu'il est innocent et tout semble porter vers sa culpabilité, n'est-ce pas? Il ne s'entendait pas bien avec sa femme, etc. Ouais. Donc, on pense qu'il a voulu s'en débarrasser. Donc, Roger Lemelin introduit quand même... C'est plutôt Rita Toulouse dans le film qui n'est pas coupable parce qu'elle ne sait pas qu'elle va mourir, mais qui est une femme de mœurs légères, ouais, etc. Et là, le mari a des raisons tout à fait légitimes de se plaindre, etc., de vouloir s'en séparer. Ouais. Donc, mais sinon, le reste est vraiment... Le colis, l'écrasement de l'avion, exactement, le voyage vers Bécomo, tout ça, c'est pareil. Tout ça, c'est pareil, voilà. Il faut dire que c'est assez fascinant, parfois, les hasards de la vie, mais Roger Lemelin a connu, à son adolescence, il a connu Albert Gay. Il était à ce moment-là au sanatorium. On l'écoute au micro de Victor Lévy-Beaulieu à l'émission Pour faire une histoire courte en 1991, nous parler du vrai Albert Gay. C'est comme ça que j'ai connu Albert Gay aussi, l'assassin. Qui a servi de base au crime d'Ovid Plouffe. C'est ça. Ouais. Il venait me trouver. Il venait causer avec moi sur la véranda. Mais Albert Gay, à cette époque-là, c'était-tu véritablement un bandit dans le quartier de Saint-Sauveur? Oh non, c'est un garçon toujours tiré à quatre épingles. Mm. Et puis, il travaillait à l'Arsenal, à Montlot, avec les jeunes, dans ce temps-là. Tu comprends, tout le monde travaillait là. Personne n'avait... Tout le monde s'était arrangé pour travailler à l'Arsenal afin de ne pas aller à la guerre. Alors, lui, il travaillait là, puis c'est là qu'il avait rencontré Rita Morel, belle petite fille. Je me souviens comme c'était hier, il était venu à ma galerie, il dit, écoute, on va être voisins, je t'invite à mes noces. Il me présente sa blonde. C'était le garçon d'une grande, grande politesse. Alors, si Roger Lemelin croise Albert Gay durant son adolescence, leurs chemins vont se croiser à nouveau. Frédéric Bastien, un peu plus tard, il va être appelé à écrire des articles, Roger Lemelin, sur l'affaire Albert Gay. Oui, voilà. Et comme on le disait tout à l'heure, l'affaire a fait beaucoup jaser, si on peut dire, aux États-Unis. Un écho assez important aux États-Unis. Et Roger Lemelin écrivait en anglais assez bien pour écrire des articles dans les journaux. Et le magazine Times va l'embaucher pour couvrir le procès, évidemment, l'écrasement. Alors, pendant plusieurs années, parce que tout ça s'étire, donc justement, sur presque 3 ans, il travaille pour le Times et puis il pond des articles, etc. Et évidemment, tout ça le nourrit et l'abreuve, et c'est de là que va naître l'idée du crime d'Ovid Plouffe. Et ce roman et le film qui suivra auront un assez gros impact également au Québec. Oui, absolument. Donc, et curieusement, donc tout ça se passe dans les années 50, mais le roman est publié beaucoup plus tard, début 80. Et là, il va y avoir aussi le film qui va être fait. Donc, le roman et le livre vont avoir beaucoup de succès. Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège Dawson à Montréal. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis... À la prochaine.